Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Aurélie, moi. Bonjour Julien. Je suis content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je prends plaisir à rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons encore à distance et nous allons aborder des thèmes qui me passionnent, à savoir les nouvelles formes d'habitat, le minimalisme et l'ancrage territorial, entre autres. Aurélie, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu nous parles du T-Village qui est, je l'avoue, l'initiative à travers laquelle je t'ai découverte. C'est un village d'habitat alternatif en tiny house que tu as créé à Saint-Brieuc, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, le petit village, c'est donc un village de tiny house. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, les tiny house, c'est des micro-maisons en bois sur roues. Donc, elles sont mobiles, donc elles font partie de la grande famille des habitats légers ou habitats réversibles qui ne laissent pas de traces derrière elles une fois qu'elles quittent le terrain sur lequel elles étaient installées. Des toutes petites maisons aussi qui incitent à vivre sobrement dans une forme de sobriété volontaire, donc de se débarrasser du superflu, de quitter un peu les modes de vie matérialistes. Et puis c'est des maisons qui sont construites avec des matériaux écologiques, du bois, l'isolation c'est un mélange de lin, chanvre et coton. Et c'est une maison qui est bien isolée et comme c'est un tout petit volume, ça consomme très peu d'énergie à l'année. Donc, c'est aussi une faible empreinte carbone à l'usage. Donc, voilà, c'est une forme d'habitat avec une empreinte écologique très légère sur la planète. Et du coup, le petit village, c'est un village de tiny house. Donc, avec aujourd'hui une dizaine, demain une vingtaine de tiny house installés avec différents profils de personnes qui vivent dedans, qui expérimentent ce mode d'habitat-là. On reparlera en détail hein, de ce village, de pourquoi les tiny houses, d'autant que, si je ne dis pas de bêtises, les tiny houses du petit village sont construites en France, et même pas si loin que ça de Saint-Brieuc, mais je veux que tu me le racontes et que tu nous expliques un peu comment tout s'est créé et comment tu t'es retrouvée à être toi la créatrice à l'initiation de ce village. Mais avant ça, j'aimerais entrer dans cet échange par la porte métier, qui est toujours la première porte par laquelle on passe. Pourquoi ? Parce que en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on manque terriblement d'exemples pour se projeter en 2030 glorieuse et qu'on nous vend encore, je ne sais pas, des carrières dans le marketing ou dans la compta. Non pas que ce soit des carrières qui ne soient pas potentiellement intéressantes, mais je trouve que ça manque d'enthousiasme, surtout quand on sait à quel point on doit radicalement changer nos modes de vie. Toi, aujourd'hui, si on parle simplement du petit village et après ensuite tu nous parleras de toutes les autres casquettes, mais comment tu caractériserais ton métier, comment tu te présenterais à des gens qui ne te connaissent pas, c'est même quel est l'intitulé de ton métier, tu vois, est-ce que tu es, je sais pas moi, urbaniste en alternative, créatrice d'éco-village, enfin, à quoi ça ressemble, dis-moi. Alors non, je suis pas urbaniste, je suis pas architecte, je suis simplement la fondatrice du petit village. C'est une casquette un peu large d'entrepreneur dans ce vaste monde de la transition écologique. Donc voilà, entrepreneur, porteuse de projets impact positif. Et ici, pour le coup, dans le cas du T-Village, un projet sur les formes d'habitat et d'autres manières d'habiter la terre. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si tu es satisfait de cette réponse, mais entrepreneur de la transition écologique ou actrice de la transition écologique. Je sais que ce n'est pas évident hein, comme question, parce que c'est vrai que souvent, notamment dans les métiers de la transition, du développement, des mondes de demain, on appelle ça comme on veut, mais c'est vrai qu'on se présente comme porteur de projet. Je te dis ça parce que même moi, tu vois, j'ai mis du temps à être capable de décrire ce que je faisais et que ça commence par moi. Je me limitais à dire, bah oui, je suis le fondateur du mouvement, ça commence par moi et basta. Et puis j'ai mis du temps à comprendre que mon travail, en fait, c'était de faciliter l'encapacitation, c'était de révéler des potentiels, de casser des obstacles. Et donc là, j'entends que effectivement, tu gères toutes les facettes d'un projet hyper complexe comme celui du T-Village. Mais en fait, si je devais, moi, avec ma lecture qui est très biaisée, hein, mettre des mots dessus, en fait, toi, tu réinventes l'utilisation de l'espace urbain, tu réinventes des manières de vivre ensemble. Oui, c'est ça. C'est une des... Enfin, une des missions du T-Village, c'est vraiment ça, être dans l'expérimentation d'autres formes d'habiter, d'autres formes, d'autres manières de vivre ensemble. Donc, il y a des choses nouvelles qu'on teste sur l'habitat, ici avec les tiny house, l'habitat réversible, et sur le vivre ensemble, essayer de recréer du lien, sortir un peu de l'individualisme qui caractérise nos sociétés aujourd'hui, réapprendre à vivre avec ses voisins, où chacun peut avoir son petit cocon à soi, intime, et en même temps être plus en connexion avec les personnes qui vivent autour de nous, plus en connexion avec l'environnement, toute la nature qui nous entoure. Et donc, c'est pour ça que, au-delà d'installer des tiny houses, le but du T-Village, c'est aussi pour pousser un peu plus loin l'expérimentation. Voilà, mettre en place des jardins partagés pour recréer ce lien social, essayer de proposer différentes offres au T-Village qui permettent d'apporter aussi une forme de brassage générationnel, culturel, faire en sorte que plusieurs mondes se rencontrent avec des personnes qui vivent là, qui sont étudiantes, qui sont jeunes, des propriétaires de tiny qui pourraient venir s'installer ici et du coup essayer d'inviter des familles. Peut-être que demain il y aura des personnes un peu plus âgées qui viendront s'installer, donc essayer de travailler aussi sur le lien intergénérationnel et notre rapport à la nature, notre rapport à l'autre. Et donc c'est tout ça qu'on essaye d'expérimenter au T-Village. Tu dirais que le T-Village, il peut se prévaloir de la mention d'éco-village ou pas ? La notion d'éco-village, c'est un peu un mot fourzitou qui peut désigner tout et n'importe quoi. Ouais. Si on considère que les tiny houses, c'est quand même une forme d'habitat écologique, avec tout ce que je disais au début sur le choix des matériaux, la fabrication, effectivement, qui est une fabrication française. Nos tiny, elles sont construites à côté de Rennes, donc à moins d'une heure de route et par des artisans français qui travaillent avec du bois français, sur le fait que ça invite à un mode de vie minimaliste, qu'il n'y a pas d'artificialisation des sols. Donc les tiny, elles sont installées sur une pelouse. En fait, on va créer à terme une capacité d'accueil, une vingtaine de logements, sans avoir coulé une seule goutte de béton. Donc la biodiversité est hyper préservée. Demain, si les tiny, elles s'en vont, elles quittent le petit village, la nature reprend complètement ses droits et on n'a pas du tout altéré la nature des sols par rapport au fait qu'on expérimente des choses autour de l'alimentation, en mettant en place des jardins partagés, essayer d'expérimenter des choses autour de l'agroécologie et tout ça. Ça va aussi dans le sens d'un éco-village. Alors il y a plein d'aspects qui justifie l'appellation d'éco-village pour le T-Village. Et ouais, je pense que ça rentre dans cette catégorie. Mais après, éco-village, c'est un terme très large et ça peut prendre plein de visages différents. Ouais, bien sûr. Je pense que le T-Village est une proposition. Quoi, les tiny houses ? Tu disais tout à l'heure au début, quand tu parlais, quand tu nous présentais le T-Village, pour ceux qui ne connaissent pas les tiny houses, j'ai l'impression qu'au contraire, moi, c'est en plein boom. C'est presque, et c'est tant mieux, c'est pas mal de le dire comme ça, en tout cas pour moi, c'est presque à la mode. Pourquoi avoir choisi ce mode d'habitat alors qu'il y a plein d'autres types d'habitat durable ? Effectivement, toi peut-être que tu connais, mais aussi parce que tu baignes aussi dans ce monde-là. Effectivement, c'est de plus en plus connu, ça commence à faire son bout de chemin. Le mouvement des tiny house en France, il est arrivé en 2013. La toute première tiny française a été construite en 2013. C'était au début des années 2000 aux États-Unis. Et aujourd'hui, le mouvement français des tiny house, il prend vraiment de l'ampleur. Il y a un très fort enthousiasme autour de ce mode d'habitat-là. Et je pense parce que ça répond à des aspirations profondes de notre société. Et du coup, ça répond aussi en partie à ta deuxième question, pourquoi avoir choisi ce mode d'habitat-là, parce qu'il répondait à des aspirations que j'avais, qui étaient de plus en plus fortes par rapport à ma compréhension de la crise, de l'urgence écologique. Du coup, une vraie volonté d'avoir un habitat qui corresponde à voilà, mes envies de vivre dans une maison écologique. La liberté aussi financière qui est induite par la tiny, le fait que c'est quand même, si on compare au prix d'une maison classique sur fondation, c'est quand même relativement léger comme budget. Du coup, ça permet d'être propriétaire de sa maison sans avoir à s'endetter pour les 25 prochaines années de ta vie et avoir à faire des jobs dans lesquels tu n'es pas forcément épanoui, mais parce que tu as un prêt immobilier à rembourser à la banque. Une forme de liberté géographique aussi. De se dire je peux habiter quelques années avec ma maison à un endroit et si demain j'ai une opportunité d'aller ailleurs, je peux déménager simplement avec ma maison et aussi cet attrait pour le minimalisme dans lequel j'avais commencé à me plonger un peu comme toi Julien au travers de voyages en fait de vivre pendant plusieurs années uniquement avec une valise qui faisait 23 kilos. En fait, on se rend compte que dans ces 23 kilos-là, il y a tout ce dont on a besoin pour vivre bien et finalement tout ce qu'on a laissé derrière soi dans la maison familiale, c'est toutes des choses dont on n'a pas besoin. Et en fait, c'est hyper... Il y a un côté très libérateur de se débarrasser de tout ça et du coup de se recentrer sur des choses... plus essentielles, peut-être plus intérieures, dématérialisées, qui enrichissent la vie autrement que par la société de surconsommation qu'on nous propose comme alternative. Ouais, c'est sûr que là, comme tu le présentes, on voit énormément de côté positif à la tiny house. Tu parlais notamment de l'aspect financier, mais qui est en fait clé. C'est notre génération a vu l'accès au foncier, mais aussi l'accès à son propre logement, la propriété, complètement biaisé, si je ne dis pas de bêtises. Mes parents pouvaient, il y a une trentaine d'années, acheter une maison en s'endettant 10, 15 ans. Et nous, aujourd'hui, il me semble que nos endettements, si jamais, bon, j'avoue que je n'ai même jamais fait la démarche d'aller poser la question dans une banque, mais c'est plutôt du 25 ans. Et c'est fou, alors qu'une tiny house, de mémoire, mais là, j'ai besoin que tu me donnes exactement les chiffres, ça peut coûter 20-30 000 euros, non? Alors 20-30 000 euros, ça peut être le coût des matériaux si tu construis toi-même ta tiny house, si tu prends le temps de l'auto-construire. Et le mouvement des tiny house, il est très intimement lié aussi à l'auto-construction parce que ça fait aussi partie de cette même démarche un peu d'autonomisation, de reprendre le contrôle un peu de sa vie et de faire les choses soi-même. Après, si on fait construire une tiny par des constructeurs professionnels, des artisans français qui vont y passer beaucoup de temps et la construire jusque dans les moindres détails avec tout le mobilier, tout l'aménagement intérieur, tout même l'électroménager et vraiment livrer clé en main, c'est plutôt autour de 50 à 60 000 euros. Et c'est chaque fois en plus ou presque du sur-mesure. C'est complètement du sur-mesure. En fait, on est obligé en quelque sorte avec la tiny parce que l'espace est tellement réduit qu'il faut vraiment penser la tiny par rapport à un projet de vie, par rapport si c'est un habitat un habitat permanent principal, il faut vraiment que ça corresponde à la manière dont on vit au quotidien, nos habitudes, quelles sont en fait de concevoir une tiny house pour y vivre, ça nécessite de passer par une forme de travail d'introspection, de se demander quels sont mes essentiels, de quoi j'ai vraiment besoin au quotidien pour vivre, et après une espèce de petite gymnastique intellectuelle de dire ok, comment j'arrive à faire tenir ça dans l'espace que j'ai à disposition, donc 2,5 m de large sur 6 m de long, grosso modo, comment j'agence tout ça pour que ce soit fluide au quotidien. Et il faut vraiment penser à ça jusque dans les moindres détails, presque se demander où est-ce que j'accroche ma serviette en sortant de la douche, où est-ce que je range ma brosse à dents, parce qu'une fois que, une fois qu'elle est construite, c'est une fois qu'elle est conçue et qu'on a oublié la place pour le frigo, et ben c'est compliqué de trouver la place si tout n'a pas été pensé à la base. Mais oui, c'est vraiment des maisons qui sont sur mesure et qui vont qu'on va concevoir selon si on a un projet plutôt sédentaire, un projet plutôt nomade, si on a envie d'être en autonomie sur un terrain complètement déconnecté de tous les réseaux, ou si on est plutôt sur un terrain viabilisé, si on vit seul ou en couple ou avec des enfants. Tout ça, c'est du sur-mesure. Et c'est aussi le charme de la tiny. Il n'y en a pas deux qui sont pareils parce qu'il n'y a pas de projet de vie qui sont pareils. Et donc, tu présentais tous les avantages à vivre dans ce type d'habitat. Tu l'as évoqué très brièvement là, à l'instant. Il y a aussi des contraintes et c'est ce qui fait le petit village aussi unique. Et si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, à ma connaissance, c'est pour l'instant le premier en France. Hein, mais tu as peut-être fait des émules où il y a peut-être des villages que je n'ai pas vu passer. Et je veux bien que tu nous en dises plus à ce sujet. L'une des contraintes de la tiny house, c'est que trouver le terrain, c'est parfois pas évident. Et puis, il y a un peu cette question justement de apporter l'eau, l'électricité ou pas. Bref, là, vous y répondez en fait à tout ça, à toutes ces contraintes. Vous éliminez une bonne partie des obstacles à vivre dans ce type d'habitat. Oui, effectivement, aujourd'hui, le petit village, c'est le premier et le seul village de tiny en France. Après, je pense que ça va pas tarder à se développer. En tout cas, très régulièrement, je suis contactée par des personnes, soit des porteurs de projets individuels, soit des communes qui sont intéressées pour reproduire, s'emparer du concept et le reproduire dans d'autres régions de France. Donc c'est chouette, ça essaime un peu comme ça. Après, c'est des projets qui peuvent prendre un petit peu de temps à se monter, mais je pense que dans les 2-3 prochaines années, on va en voir émerger un petit peu aux quatre coins de la France. Et après, oui, c'était... Effectivement, il y a des contraintes à la vie en tiny house, notamment s'installer en toute légalité sur un terrain, vivre dans un petit espace toute l'année, pas seulement un week-end en été quand il fait beau, mais toute l'année en hiver aussi, avec les contraintes que ça peut engendrer, liées à notamment la gestion de l'humidité, ce genre de choses. Et du coup, une des missions qu'on s'est fixée au petit village, c'est justement de contribuer au développement du mouvement des tiny en France et pour ça à répondre à tous les besoins qui existent dans ce monde-là. Donc à la fois apporter une solution, une proposition aux propriétaires de tiny house qui voudraient venir s'installer à Saint-Brieuc au petit village. Donc il y a des emplacements qui leur sont réservés, à la fois la possibilité si on a très envie de tiny house mais on est quand même pas trop sûr que ça nous corresponde, de venir vivre pendant 6 mois, 1 an en tiny dans l'idée de conforter ou d'infirmer un projet naissant. On a aussi une tiny qu'on garde en format découverte où les gens peuvent venir juste passer une nuit ou un week-end juste pour une découverte en format court et on essaye aussi de venir répondre à un besoin qu'on a en local dans notre contexte dans la ville de Saint-Brieuc qui manque de logements étudiants et du coup de venir apporter une réponse en élargissant la capacité d'accueil en logement étudiant tout en faisant ça dans une démarche écologique et en été quand nos étudiants sont en vacances on peut aussi déplacer nos tiny et venir répondre par exemple au manque de logements pour travailleurs saisonniers notamment dans les stations balnéaires pas très loin d'ici sur la côte bretonne donc on essaye d'utiliser les tiny pour venir répondre à tout un tas de besoins qu'on a rencontrés un peu sur notre chemin en naviguant dans ce monde là. Et toi tu continues à être 100% cohérente avec ta démarche, la folie des grandeurs ne t'a pas encore touché et si je dis pas de bêtises tu vis encore plus frugalement que si tu vivais en tiny house, non tu vis dans un petit voilier non? Un petit voilier, voilà, moi je vis pas en tiny house, c'était le projet à la base, c'est comme ça que le petit village est né, de ma volonté moi-même de m'installer en tiny, et puis en fait, entre-temps, le petit village s'est développé, et du coup aujourd'hui, il y a plein de monde qui vit en tiny au petit village, et moi, entre-temps, je me suis sentie appelée par la mer et par une autre forme d'habitat léger, donc j'ai emménagé sur un petit voilier depuis plusieurs mois, donc c'est encore plus petit qu'une tiny house. Mon bateau, il fait 7,50 m. C'est tout juste bien pour vivre une personne. Et c'est encore plus minimaliste, mais dans ce même esprit de vivre heureux dans un petit espace d'habitat dans lequel on dissipe pas son énergie à droite à gauche, mais au contraire un habitat dans lequel on peut se ressourcer, se recentrer, et puis je suis la plus heureuse du monde quand j'ai ce mode de vie simple, la vie à bord et puis la vie sur l'eau, d'autant plus d'être bercée toutes les nuits par l'eau, ça me rend super super heureuse. Donc voilà, après les tiny qui roulent au petit village, moi je vis sur une petite tiny qui flotte. C'est très inspirant, ton parcours et tes choix, Aurélie. J'ai hâte qu'on se projette ensemble en 2030 glorieuse, parce que j'ai envie de t'entendre un peu sur la manière dont tu vois l'évolution de l'habitat en France. Et puis en fait, je disais que tu avais plusieurs casquettes, j'ai aussi envie de t'entendre sur ces autres casquettes dont tu vas nous parler tout à l'heure. Mais avant ça, et c'est une habitude dans ce podcast 2030 glorieuse, on ouvre une bulle d'inspiration, parce que dans la littérature, dans tous les livres qui sont autour de nous, il y a aussi des parenthèses qui nous permettent de voyager de la manière la plus écologique possible vers les utopies réalistes. Et toi, tu viens nous faire la lecture d'un roman qui t'a particulièrement marqué. Oui, alors c'est un roman un peu pour enfants, Italo Calvino, Le Baron Perché, qui raconte l'histoire d'un enfant de 12 ans qui se fâche avec ses parents et qui se réfugie dans l'arbre au fond du jardin. Et en fait, il ne redescendra jamais de son arbre. Il passera toute sa vie perché là-haut à se balader d'arbre en arbre et à découvrir du coup l'amour, la solitude, la liberté, la nature du haut des arbres. Et du coup, je trouve que c'est un extrait qui est assez inspirant par rapport au rapport qu'on peut réinventer entre l'homme et la nature, et cette réinvention dont on a besoin pour se mettre en route pour les 2030 glorieuses. Les oliviers, dans leur cheminement tortueux, offraient à Côme des routes faciles et unies. Ce sont des arbres accueillants, et malgré la rudesse de leur écorce, amicaux pour qui y passe ou s'y veut arrêter. En revanche, ils n'ont que peu de grosses branches et ne présentent guère de variétés à explorer. Dans les figuiers, au contraire, il faut toujours vérifier la solidité du bois, mais on n'en a jamais fini de rôder. À l'abri de leur pavillon de feuilles, Côme voyait le soleil disparaître au travers des nervures, regardait les fruits verts se gonfler peu à peu, flairer la sève qui filtre à l'intérieur des pédoncules. Le figuier vous assimile, vous imprègne de sa gomme, du grondement de ses bourdons. Côme, après un moment, avait l'impression de devenir figue lui-même. Il se sentait mal à son aise et s'en allait. On vit bien dans le dur sorbier, dans le mûrier. Dommage qu'il soit si rare. On peut en dire autant des noyers. Moi-même, c'est tout dire, quand je voyais mon frère se perdre dans un interminable vieux noyer, comme dans un palais aux nombreux étages et aux pièces multiples, j'avais envie de l'imiter et d'aller habiter là-haut, tant sont convaincantes la force et la certitude que cet arbre met à être un arbre. Son obstination à se dresser, lourd et dur, une obstination qu'il exprime jusqu'au bout de ses feuilles. Ses distinctions, ses amitiés, Côme les fit avec le temps, ou plutôt il en prit conscience peu à peu. Mais dès ses premiers jours, elle commençait de s'imposer à lui avec la force d'un instinct naturel. Le monde, désormais, s'était transformé. Il était fait de ponts étroits et incurvés, tendus dans le vide. D'écorces où nœuds, écailles et rides semaient leur rugosité. Il baignait dans une lumière verte qui changeait avec l'épaisseur et la consistance du rideau des feuilles, tremblant au bout de leurs pédoncules, sous le moindre souffle d'air ou ondoyant, comme une voile lorsque l'arbre s'inclinait. Notre monde à nous se nichait dans les bas-fonds. Nous avions des silhouettes bizarres et nous ne comprenions assurément rien de ce qu'il percevait chaque nuit. Le travail du bois qui gonfle de ses cellules les cercles marquant les années au cœur des troncs. Les moisissures qui dilatent leurs plaques au vent du nord. Le frisson des oiseaux endormis qui blottissent leur tête au plus doux de l'aile. L'éveil de la chenille et l'éclosion de la pie grièche. Il est un moment où le silence de la campagne se forme, au creux de l'oreille, d'une menue poussière de bruit. Un croassement, un glapissement, un froissement furtif dans les herbes, un clapotis dans l'eau, un piétinement entre terre et cailloux et, dominant tout autre son, le crissement des cigales. Les bruits se mêlent l'un à l'autre. Louis parvient toujours à en discerner de nouveaux. Comme sous les doigts qui cardent un flocon de laine, chaque nœud se révèle fait de brins plus fins, plus impalpables encore. Les grenouilles ne cessent de coasser, et cette basse continue ne trouble pas plus le fourmillement sonore que la continuelle palpitation des étoiles ne change la lumière de la nuit. Mais que s'élève ou que passe le vent, tous les bruits aussitôt se transforment et se renouvellent. Seul reste, au plus profond de l'oreille, l'ombre d'un mugissement ou d'un murmure, celui qui vient de la mer. Merci Aurélie. Pourquoi tu as choisi ce roman ? J'ai choisi ce roman parce que je trouve qu'il met en image une belle manière, une forme de synergie entre l'homme et la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on est dans la crise, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est notamment parce que l'homme s'est senti complètement détaché du vivant, du reste de la nature, comme un être à part, alors qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est de se reconnecter. Et par rapport à ça, il y a une autre auteure que j'aime beaucoup, c'est Johanna Messi, qui parle de notre connexion à la toile du vivant et le fait que pour se mettre en mouvement aussi, pour proposer des alternatives et inventer les 2030 glorieuses dont on a envie, il faut qu'on se reconnecte émotionnellement, sensoriellement, de toutes les manières possibles au tissu du vivant. Et c'est ce qu'a fait ce jeune garçon qui vit dans les arbres et qui du coup voit la nature d'un regard complètement nouveau. C'est une tendance qui commence à sortir dans 2030 Glorieuse, mais tu disais tout à l'heure que tu allais nous lire un extrait d'un roman pour enfants, et en fait il apparaît que souvent les personnes qui sont mes invités lisent des romans pour enfants. Il y a eu Le Petit Prince, il y a eu de mémoire Tistou et les Pouces Verts, et en fait souvent on se rend compte que dans la littérature pour enfants on peut-être donne plus de place à cette connexion au vivant qui peut sembler être une naïveté peut-être avec nos regards d'adultes, avec notre société de la production, de la consommation, de la croissance, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre ces récits et effectivement de laisser un peu plus de place aux rêves et à ce maillage avec le vivant dont tu parles. En tout cas, je trouve que la transition est parfaite pour que cette bulle d'inspiration nous mène vers une autre bulle d'inspiration qu'on va créer ensemble. Ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse, Aurélie, dans un monde où, contrairement à tout ce qu'on nous prédisait il y a quelques années, nous avons réussi à construire des sociétés résilientes, des sociétés durables, des sociétés heureuses. Comment nous allons en parler ensemble et surtout nous allons décrire à quoi elle ressemble, cette société. Moi, ma première question, c'est la question que je pose à chaque fois, c'est si tu fermes les yeux et que tu te projettes dans ces utopies réalistes, tout de suite quand tu les rouvres tes yeux, qu'est-ce que tu vois ? Quand j'ouvre mes yeux en 2030 glorieuse, je vois qu'on a fini par accepter toutes les différentes formes d'habiter la Terre auxquelles les gens aspiraient en 2020, mais qui n'étaient pas forcément facilitées par le cadre réglementaire ou même la conscience collective. Donc, on voit de plus en plus de personnes qui vivent dans des tiny houses, qui vivent dans des yourtes, qui vivent dans des maisons en terre paille, qui vivent dans des habitats partagés. Et toutes ces formes d'habitat-là, elles sont acceptées, elles sont même valorisées. Les gens vivent dans des habitats qui sont peut-être plus sobres, plus connectés à leur environnement, les gens sont plus connectés entre eux. On a recréé du lien social en se débarrassant aussi d'un certain nombre de choses qui étaient superflues dans notre vie en 2020. Les gens se sont reconnectés aussi à eux-mêmes, en quelque sorte. Ils se sont reconnectés peut-être à leurs rêves, à leurs envies d'enfants, et ils font des métiers qui sans forcément trop de pression financière non plus, parce qu'ils se sont allégés de beaucoup de leurs obligations d'avant, qui du coup sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus apaisés. En 2030 glorieuse, on dit plus j'ai pas le temps ou je suis sous l'eau. Les gens prennent le temps de vivre, d'être ensemble, de faire des projets qui les épanouissent. Je pense que il y a aussi beaucoup de monde qui a quitté les villes par rapport à 2020, se rapprocher un peu de la campagne nourricière, de formes de vie plus proches du vivant. Et peut-être qu'on met tous aussi un petit peu plus la main à la pâte par rapport à nos besoins fondamentaux, que ce soit l'alimentation, l'agriculture, l'habitat. On a réappris à faire un peu plus les choses nous-mêmes. L'échelle de valeur des métiers, c'est un peu renversé. Les stars d'aujourd'hui, c'est les paysans. C'est les paysans, c'est les artisans. Et il y a beaucoup de métiers de 2020 qui ont disparu. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'en avait pas vraiment besoin. Ils ne répondaient pas à des besoins fondamentaux. Donc, il y a des métiers, il y a des entreprises entières qui ont disparu. Et il y en a qui se sont complètement réorientées, qui ont réinventé leur métier. Il y a des nouveaux... Des nouveaux métiers ou des métiers qui émergeaient en 2020, qui prennent beaucoup plus de place, qui emploient beaucoup plus de monde, des métiers plus en lien avec le vivant, avec l'alimentation, prendre soin de la terre, prendre soin des autres, prendre soin de soi-même. On a parlé tout de suite avec la diversité des habitats. Et ce qui me frappe dans ton exemple, c'est que là où on aurait tendance à dire qu'on va sans doute remplacer un monopole de mode de vie par un autre, celui de la croissance serait remplacé par celui de la vie durable, j'ai un peu l'impression que ça va être beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus complexe, beaucoup plus divers, ces manières de vivre en 2030 glorieuse. C'est sûr, je pense que... Un des travers aussi de la société qu'on nous propose aujourd'hui, c'est cette tendance à l'uniformisation, à avoir un modèle. Et on retrouve ça aussi dans l'agriculture, les monocultures, de faire les choses en silo, d'avoir un modèle qu'on pense être le bon et du coup de le faire grandir à outrance. Je pense que pour arriver en 2030 glorieuse, il a fallu accepter et s'inspirer aussi du vivant dans sa diversité, et ça se reflète à la fois dans les manières d'habiter, dans les manières de produire notre alimentation, dans les manières d'aide, dans les manières d'éduquer ses enfants. Tout ça, on a remis de la diversité, parce que finalement on est des êtres vivants, et au même titre que tout le reste du vivant, on peut prendre plein de formes différentes. Et je pense que la société en 2030 est beaucoup plus à l'image de la nature qui est foisonnante que celle de monoculture ou de simplification à outrance. Il faut remettre de la complexité dans nos mondes. Et d'ailleurs, à l'image de cette nature où la possession n'existe pas, en 2030 glorieuse, notre relation à l'habitat a complètement changé, non ? J'ai l'impression que c'est beaucoup moins problématique, ou en tout cas beaucoup moins le cas qu'avant, de posséder une maison pour l'année normale, on va dire, pour le travail, et puis une autre maison pour les vacances, et puis ensuite. On a même tendance aujourd'hui à changer de lieu de vie en fonction de notre réalité du moment. Et peut-être que l'appartenance qu'on avait très forte à un lieu est un peu en train d'évoluer, non ? Oui, c'est sûr. Et puis c'est aussi une des propositions clés de l'habitat léger. C'est aussi de se dire qu'on peut être propriétaire d'un chez-soi simple qui répond juste comme il faut à nos besoins, sans forcément être propriétaire de la terre. La terre appartient à tout le monde, avec ce dicton que tout le monde connaît, qu'on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et du coup, peut-être que le rapport à la propriété a changé. Effectivement, tu parlais aussi d'une maison pour habiter, une maison pour passer ses vacances. Je pense que les gens prendront conscience, auront pris conscience en 2030 que si on aime tant passer ses vacances en un endroit, c'est peut-être que c'est là finalement où on aimerait vivre tout simplement. Et en fait, peut-être que les résidences secondaires deviendront nos résidences principales, d'où aussi le retour aussi de plus en plus de monde un peu dans les campagnes, dans les zones périphériques et pas uniquement dans les grandes métropoles, et de pas forcément avoir... une grande maison pour sa famille, mais se remettre aussi à plus partager dans un souci aussi de dématérialisation et du coup de pas qu'on possède pas tous chacun c'est son truc à soi, mais qu'on puisse partager ce qui fait sens de partager pour alléger aussi notre empreinte sur la terre et du coup de réduire aussi la surface nécessaire pour une personne pour habiter, se mettre à occuper les espaces avec des foyers élargis, des habitats partagés, des personnes qui ont envie de vivre plus en collectif, prendre le contre-pied de cette tendance à la vie en solitaire et individualiste qui avait été la norme jusqu'en 2020. Et ces habitats légers, ils ont d'ailleurs complètement modifié l'opposition un peu binaire qu'on avait entre les villes et les campagnes. À l'époque, c'était soit on avait de la place dans les campagnes, soit on se resserrait dans les villes. Aujourd'hui, avec les habitats légers, mais aussi les manières dont tu le disais de partager, de mettre en commun, en fait, la frontière, je la vois beaucoup plus floue, puisqu'on peut très bien venir installer sa tiny house dans un espace dédié en ville, puis potentiellement ensuite, quelques temps après, se mettre dans un endroit où il y aurait plus de verdure. Les immeubles qui étaient à l'époque tous fermés avec des appartements vraiment séparés, cloîtrés, aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts avec des espaces communs, des machines en commun. Ça brouille un peu toutes les pistes aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Après, c'est aussi une des propositions. Enfin, on parlait au début de liberté, de se dire que dans la vie, il peut nous arriver plein de choses. On peut avoir des envies qui évoluent au cours de sa vie par rapport à si on a des projets de vivre seul, des opportunités professionnelles, de créer une famille. On va avoir envie d'évoluer géographiquement, on va peut-être avoir plus des envies de ville pendant un moment et puis de se rapprocher de la nature, de la campagne. L'habitat léger peut venir combler aussi des interstices, venir densifier l'habitat en certaines zones sans artificialiser davantage les sols, donc sans contribuer à ces phénomènes, par exemple, d'îlots de chaleur urbains d'artificialisation des sols qui contribuent, qui renforcent les phénomènes d'inondation qui vont devenir de plus en plus prégnants, notamment avec le dérèglement climatique. Et après, oui, je pense qu'il y a eu entre 2020 et 2030 une volonté aussi par rapport à, tu parlais au tout début de l'interview, de résilience. C'est aussi le fait de vivre en collectif, de réapprendre à vivre ensemble et de s'entraider, et s'entraider notamment quand on a des coups durs. Je pense que les temps auxquels on a fait face entre 2020 et 2030 nous ont montré qu'on était assez vulnérables en tant qu'espèce humaine et qu'on avait tout intérêt à se serrer les coudes pour faire face à ce qui nous arrivait, et d'où la nécessité aussi de recréer du lien avec ses voisins et à remettre des choses en commun pour faire face ensemble aux événements de la vie et puis rendre la vie un peu plus joyeuse. Et toi, Aurélie, d'ailleurs, en parlant de vie joyeuse en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu continues à essaimer les villages de Tiny House comme le premier petit village 10 ans plus tôt que tu avais créé ? Ou est-ce que tu as donné plus de place à tes autres casquettes ? Tu étais notamment à l'époque consultante en entreprise pour les accompagner vers cette transition écologique et même élue locale. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, j'espère que aujourd'hui le petit village a essaimé naturellement. Moi, j'ai juste semé quelques graines, ou j'ai pu aider à arroser quelques graines qui ont germé. Et il y a plusieurs, plein de villages de tiny partout en France qui sont portés par des communes ou par des porteurs de projets en local. Moi, avec mon activité de redirection écologique, j'ai accompagné, je continue à accompagner un certain nombre d'entreprises dans la réinvention de leur métier, de leur modèle d'affaires pour les rendre compatibles avec les limites planétaires dont on a bien pris conscience aujourd'hui. Peut-être que j'ai créé une ou deux autres entreprises qui participent aussi à cette redirection écologique. En 2030, j'imagine que dans les villes, il doit y avoir des, des adjoints à la sobriété, des adjoints à la résilience, et les villes ont vraiment pris conscience de l'aspect fondamental de ces notions par rapport à l'enjeu climatique et l'enjeu écologique au sens large de sobriété, de résilience. Et moi, en 2030, j'ai trouvé aussi un équilibre dans lequel je m'épanouis entre une forme de, enfin, une activité professionnelle, voilà, un peu d'entrepreneur, un peu d'accompagnement d'entreprise, et en même temps une vie paysanne à laquelle j'aspirais depuis longtemps. Et je passe une partie de ma vie à vivre ma vie en prenant soin avec mes mains d'un petit bout de la terre. Et toi d'ailleurs, qui étais élue locale et qui savais hein, déjà 10 ans en arrière à quel point l'ancrage territorial il était important, comment tu peux nous expliquer comment on a réussi à combiner la légèreté, la mobilité de ces nouveaux habitats et l'ancrage territorial, le lien et l'appartenance à un espace où finalement des gens habitent parfois depuis des années, voire des décennies. Comment on arrive à combiner cette mobilité et en même temps cette nécessité d'appartenance à un réseau ? Je pense que déjà ça s'est fait par une importante phase de sensibilisation. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se sont mobilisés pour faire en sorte de partager cette compréhension de l'enjeu écologique et que tout le monde prenne bien conscience de quoi il était question et en prenne conscience non seulement intellectuellement mais aussi émotionnellement, que les personnes ont été touchées, on a fait résonner un peu leur appartenance à la toile du vivant, ça les a touchées, ils ont eu envie de soutenir par rapport à l'habitat, ces modes d'habitat qui émergeaient. Et puis après, on a aussi pris conscience que y a une forme effectivement de mobilité, enfin par rapport à la réversibilité de l'habitat, mais en tout cas sur l'aspect, une fois que ton habitat il est posé dans une commune, il y a une vraie volonté aussi, et ça peut être une très belle opportunité de dynamiser des communes, de faire revenir de la vie. Aujourd'hui, il y a certaines communes, enfin en 2020, il y a certaines communes qui étaient un peu à bout de souffle avec une majorité de la population active qui avait déserté vers les villes pour des opportunités professionnelles. On s'est rendu compte que il y avait des vraies aspirations à vivre autrement, et le fait d'ouvrir sa commune, de mettre à disposition des terrains pour ces modes d'habitat alternatifs, c'était aussi une vraie solution pour redynamiser des territoires, et souvent c'est lié avec plein d'autres initiatives locales sur à la fois que ce soit agricole, culturelle, avec une vraie envie de recréer du lien dans les communes qui les accueillent. Et c'est comme ça que l'habitat réversible a pris une toute autre image dans la conscience collective, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est naturel de voir un petit peu partout d'autres formes d'habitat qui sont acceptées, qui sont même soutenues. La route, elle est longue, hein, Aurélie, avant 2030 glorieuse. Et cet exercice que nous avons fait, il est vraiment là pour essayer de proposer des caps. J'aime bien l'idée de l'éventail des possibles, et les personnes qui nous écoutent se sont sans doute enthousiasmées de toutes ces idées là qu'on a échangées pendant 40 minutes. Si on revient en 2020 et qu'on se remet aussi dans le quotidien qui est parfois lourd, parfois pesant, parfois immobilisant avec de nombreux obstacles, qu'est-ce que tu suggérerais à celles et ceux qui nous écoutent pour marcher et faire un premier pas vers ces utopies réalistes que nous avons décrites pendant 40 minutes. Je pense avant de se mettre en mouvement, avant de marcher, de faire un premier pas, moi je recommanderais au contraire de faire un stop, de faire une pause, de s'arrêter un instant et de prendre un petit peu de recul par rapport à sa vie d'aujourd'hui en 2020, et de se demander est-ce que je suis alignée, est-ce que ma tête, mon corps, mon cœur est aligné dans ma manière de vivre aujourd'hui, est-ce que ce que je fais au quotidien est cohérent avec mes convictions profondes, est-ce que j'ai pas des dissonances cognitives que j'ai tendance à cacher sous le tapis, à ne pas accepter, ne pas assumer, est-ce que ce que je fais au quotidien ça contribue à à créer un monde que j'aime et sinon, quels sont mes rêves, à quel monde j'ai envie de contribuer demain. Et si on prend le temps d'écouter, de vraiment identifier ces rêves-là, prenez-les au sérieux. C'est peut-être ça qui vous mettra pour le coup en marche et faire ces premiers pas vers un réalignement, une chasse de ces dissonances cognitives, un réalignement intérieur et du coup un processus de libération et d'épanouissement et qui contribuera à dessiner les 2030 dont on rêve tous. Merci Aurélie. Merci à toi Julien. Ça y est, cet échange avec Aurélie, la fondatrice du Petit Village, se termine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Aurélie nous raconter son expérience extraordinaire de création de ce village de Tiny House, mais aussi son envie de questionner des choses aussi établies que la manière d'habiter le territoire en France, de posséder son logement, et puis encore plus loin même, de créer un rapport particulier à la nature, à la trace qu'on laisse dans l'endroit où on vit. Aurélie, je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an à peine, et à l'époque, elle en était au tout début de son envie de créer ce projet, et un an plus tard déjà, elle accueille 10 maisons en complète harmonie avec le territoire qui l'accueille, et on voit que ça marche, on voit que c'est une tendance de fond, que c'est pas un épiphénomène, que c'est pas une mode fugace, et que au contraire c'est vraiment la première expression d'un mouvement qui est parti pour prendre non seulement de l'ampleur mais aussi qui va accompagner les gens vers un retour à la simplicité plus que bienvenue. J'espère que vous avez pris vraiment autant de plaisir que moi à vous propulser dans ces nouvelles manières de vivre, de désaccumuler, de passer plus d'énergie et de laisser plus d'espace à l'autre que tous ces objets qui remplissent traditionnellement nos appartements et nos maisons. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de 2030 Glorieuse. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !